le flambeau vivant. Il marche devant moi, ses yeux pleins de lumière, qu'un ange très savant a sans doute aimanté. Il marche, ces divins frères qui sont mes frères, secouant dans mes yeux leur feu diamanté. Me sauvant de tout piège et de tout péché grave, ils conduisent mes pas dans la route du beau. Ils sont mes serviteurs et je suis leur esclave. Tout mon être obéit à ce vivant flambeau. Charmants yeux, vous brillez de la clarté mystique qu'ont les cierges brûlants en plein jour. Le soleil rougit, mais n'éteint pas leur flamme fantastique. Ils célèbrent la mort. Vous chantez le réveil, vous marchez en chantant le réveil de mon âme, astre dont nul soleil ne peut flétrir la flamme.